Et salut tout le monde, ici Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être là avec vous, à vous proposer comme ça un 2 heures de musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai en souvenir Isabelle Roy, j'ai du Julie Aubé, Caroline Savoie, l'album La Semaine. Ben, en réalité, c'est 2 albums. C'est le projet Courage. On va entendre Soleil et Moon de Georgian Beat. On va entendre également du Ferline Regis, Nathalie Nadon, Amélie les Singes Bleus. J'ai aussi en instrumental du Los Gringos, Alexandra Strelitzky, Dak. Et du côté de l'Ouest, Étienne Fletcher, Sean Jobin et Annick Granger. Donc restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques instants avec le début de l'émission à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous et de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Elisabeth de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes: CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, OUI-FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie en Ontario. Il y a aussi Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yarlonev, Territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser l'émission et bien sûr, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des maritimes. Comme je le disais dans les émissions précédentes, pour le 25e anniversaire de Canrock, qui aura lieu à la mi-octobre, eh bien, j'ai décidé de vous faire entendre, en début de chaque bloc, une chanson souvenir. Cette semaine, c'est tiré de la compilation Acadie Racine, Pays sans frontières, du 2e disque de cette compilation-là. Il y a Isabelle Roy qui va nous offrir Barbarie, une très belle chanson qui est sortie, là, je pense, au début des années 90, même peut-être fin 80. Donc, assez intéressant. Par la suite, on va entendre tout simplement Julie Aubé avec Mal de mer. J'ai le droit devant, j'ai dû m'égarer et tomber de mon temps. Je me suis éveillée avec toi piégée au pays guet-apens de l'amour géant. Et nous dans ce pays de bas, abandonné au début. ce mauvais sang, nous resterons alliés, ensemble piégés au pays guet-apens de l'amour géant. Et nous, dans ce pays de bas, toi. lorsque tout le monde s'ennuie des fois. Y a le mal des mers. Oh, il jette sa bouteille. C'est temps qu'il se réveille. Mal de mer, Julie Aubé, 2009, tiré d'une compilation de Accro de la chanson. Et puis, 10 ans après, elle est porte-parole de Accro de la chanson. Accro de la chanson, c'est quoi encore? C'est un concours, une vitrine, si on pourrait ainsi dire. Une vitrine pour les jeunes dans les écoles du Nouveau-Brunswick, écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, pour présenter des chansons originales en français. Et ça incite les jeunes à écrire composer en français. Je trouve ça merveilleux et j'encourage ça depuis très, très, très longtemps. Donc, et plusieurs grands artistes sont passés par là. Hein? Entre autres, tous les membres des Hey Baby sont passés par là. Lisa Leblanc est passée par là, donc c'est vraiment un passage presque obligé si on veut faire carrière en Acadie. On passe par là, après ça on s'en va au gala de la chanson de Caraquette, et si on est chanceux, on peut aller au Festival international de la chanson de Granby. Donc, c'est vraiment une belle initiative de la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB. Et puis, à chaque année, j'encourage ça, à chaque année, je demande, j'exige d'avoir une copie de la compilation des finalistes et des gagnants pour pouvoir rediffuser ça, parce que c'est vraiment merveilleux comme activité, comme initiative. Bravo à la FJFNB. On va continuer en musique, justement, avec des artistes qui sont passés par là. Je parlais de Julie Aubé, des Hey Babies. On va entendre Catherine Noël avec Grosso Modo, qui encore aujourd'hui, j'écoute cette chanson-là, puis ça me fait triper, c'est vraiment une très bonne chanson. Et on va entendre aussi Chemin perdu d'une artiste qui lance un album tout récemment, je vous en dis pas plus, donc je vous reviens là-dessus. Mais pour l'instant, Catherine Noël, Grosso Modo! De 300 mots, pas de discours, c'est beaucoup trop. On remettra rien à tantôt, dis-le-moi, grosso modo. Tous ces gens qui prennent leur temps, ils marchent en garde et en avant. Tout passe vite maintenant, il est temps pour un changement. Eh oh, eh oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Eh oh, je n'ai besoin que quelques mots. Eh oh, tout sera bien, tout sera beau. Dis-le-moi, grosso modo. Sauvons-nous loin d'ici, loin de toutes ces industries. Un endroit où on peut respirer à l'écart de l'impureté. Le temps qui s'écroule, les voitures qui roulent. L'atmosphère devient polluée, la planète commence à s'étouffer. Si on reste à se faire bronzer, puisque soudainement c'est souvent l'été, il ne fait pas que du bien notre soleil. Enlève tes lunettes puis réveille. Eh oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Eh oh, je n'ai besoin que quelques mots. Eh oh, tout sera bien, tout sera beau. Dis-le-moi, grosso modo. des rayons qui brillent plus fort. Ah, comme il fait beau dehors, faudrait peut-être réaliser que cette chaleur a des mauvais côtés. Il fait chaud, ça s'en vient lourd, la pression augmente, je deviens sourd. Faut vite penser, vite agir, la planète c'est à nous de la soutenir. Alors, qu'est-ce que t'attends? Bientôt il n'y aura plus de temps. Dépêche-toi, dis-le-moi, ne remets plus rien à une autre fois. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Eh oh, eh oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Eh oh, je n'ai besoin que quelques mots. Eh oh, tout sera bien, tout sera beau. Dis-le-moi, grosso modo. Dis-le-moi, dis-le-moi. Eh oh, je n'ai besoin que quelques mots. Eh oh, tout sera bien, tout sera beau. Dis-le-moi, grosso modo. Oh, oui, dis-le-moi, grosso modo. Seul sur un chemin qui ne m'emmène pas trop loin, mais quand j'arrive au coin de rue, je sais pas où tourner, je suis perdu. Mais si tu voudrais bien me guider, je te laisserai marcher à mes côtés, tu voudras bien. Oh. On pourrait découvrir le monde, on marcherait sans trop s'y confondre, tu voudrais bien. Car quand j'arrive, j'arrive à ma destination. C'est-tu elle? C'est-tu la... Oui, c'est la Savoie. Oui, Caroline Savoie. En 2011, elle participait justement à Accro de la chanson avec une excellente chanson qui s'appelle tout simplement Les chemins perdus. Et c'est vraiment là, dès là, cette époque, on pouvait sentir une espèce de magie, une espèce d'univers très personnel. Avec une très bonne chanson. Et bon, par la suite, elle a fait Caraquette, elle a fait Grambé, elle a remporté Grambé, elle a sorti un album assez intéressant avec de très bonnes pièces, très bonnes chansons que j'ai adorées. Et là, tout récemment, je pense depuis début février, 1er février, elle a sorti son nouvel album « Pourchasser l'aube ». Qui est sûrement disponible via Distribution Plage, www.plage.net. Et c'est vraiment un très bon album. Bon, première écoute rapide, là, 10-15 secondes chaque chanson. Il y a des choses intéressantes qui m'ont accroché. Donc, j'ai bien hâte de l'écouter à fond et de vous en parler plus précisément. Mais sûrement un très bon album. Caroline Savoie, qui nous proposait là, tout récemment un premier extrait, 1001, qui donne un peu une idée où est-ce qu'elle s'en va. Donc, au niveau du son, c'est pas un gros changement, là, c'est juste on peaufine ce qu'on a déjà bien fait et on nous propose un nouvel album de 11 chansons, je ne me trompe pas. Donc, assez intéressant, merci. En plus de ça, elle est très occupée, Caroline Savoie, parce qu'elle est la porte-parole des rendez-vous de la francophonie qui aura lieu tout au long du mois de mars. Et elle n'est pas toute seule, elle est avec Patrick Chan, ex-champion olympique et champion du monde en patinage artistique. Donc, Patrick Chan, qui vient de la région de Toronto, si je ne me trompe pas, il a étudié dans une école francophone là-bas. Donc, assez intéressant. Voici Caroline Savoie, 1001. Encore. chérie.